Passez un excellent mardi et on se retrouve demain à 9h avec 3 débats sur la table. Vivacité, il est 11h. Les infos tout de suite avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour. Professeur en grève aujourd'hui à l'Athénée Jean Absil d'Etterbeek en région bruxelloise. Une grande majorité de professeurs. Ils se plaignent de la surpopulation dans l'école. 800 élèves il y a quelques années encore, mais 1200 aujourd'hui et sans doute 1500 dans 4 ans. Les enseignants sont soutenus par les parents. Ils redoutent aussi un incident dans des locaux bondés, par exemple dans la salle de gym, les laboratoires ou le réfectoire. Une rencontre avec le cabinet de la ministre de l'Éducation serait d'ailleurs prévu, mais seulement début octobre. Chiens pisteurs et hélicoptères, de gros moyens ont été déployés pour retrouver une jeune adolescente de 13 ans disparue à Saint-Hubert hier matin. Mais elle est revenue chez elle ce matin par ses propres moyens et elle est saine et sauve. Des Irakiens impliqués dans un trafic d'êtres humains ont été arrêtés au début du mois, on l'apprend seulement aujourd'hui. 9 perquisitions ont été menées, essentiellement en région bruxelloise, et 4 suspects placés sous mandat d'arrêt. Les policiers surveillaient une organisation faisant venir en Belgique des Irakiens, on leur fournissait des papiers. La personne figurant sur la photo d'identité présentait des ressemblances avec le candidat réfugié. Ces papiers leur étaient retirés lorsqu'ils étaient arrivés sur le sol belge. Que s'est-il passé à bord d'un avion saoudien? Il est isolé à l'aéroport de Manille, aux Philippines. Le pilote a fait savoir à la tour de contrôle que l'avion était menacé. Pas plus d'informations pour l'instant. 9 personnes arrêtées aussi après l'incendie d'un camp de réfugiés sur l'île grecque de Lesbos la nuit dernière. Le feu a ravagé le camp surpeuplé sans faire de victimes. Ce sont des migrants qui ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine d'affrontements un peu plus tôt. Ce matin, la police s'efforce de reprendre le contrôle de la situation. 5000 résidents se sont enfouis, parfois enfants sous le bras. La météo, temps sec, ciel bien dégagé, 17 à 20 degrés aujourd'hui. Demain, on nous annonce une belle journée, 22 degrés et bien ensoleillée. À Caroline Gillet, c'est calme ce matin. Oui, retour au calme. On avait encore quelques ralentissements sur le ring il y a quelques minutes. Il n'y en a plus. Quelques fils tout de même encore dans le centre-ville de Bruxelles, entre les tunnels Louise et Porte de Halle vers la Basilique, dans le tunnel Stéphanie vers le centre. Et puis on rappelle qu'une manifestation va avoir lieu aujourd'hui à 16h30, donc dans le centre de Bruxelles. Certaines rues vont être bloquées avant 16h30. Certains tunnels resteront bloqués aussi même après la manifestation. Donc prenez vos dispositions autant que possible. La chaussée est libérée sur le 34 Knokkeis Anvers à Wrasseneux, mais vous perdez encore quelques minutes en direction d'Anvers. Et accident dans l'échangeur de Bruges, dans la bretelle reliant le 40 venant de Stand à le 403. Là, le passage ne se fait que via la voie d'arrêt d'urgence en direction de Tournai. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons, vous retrouvez Sébastien Nolvo. Merci Delphine, retour de l'info à midi. Cuisine Créfelle. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfelle. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvo. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va bien? Oui. Vous avez l'air en super forme. Ça tombe bien parce qu'on a du pain sur la planche aujourd'hui. On va aider David qui a acheté 2 canapés sur le site de La Redoute. C'était en janvier. Canapé qu'il attend toujours. Nous sommes en septembre. Allez. Janvier 2016. Hein. Ouais, mais quand n'empêche qu'une fois ils se sont égarés dans les hangars de La Redoute et puis après c'était pas la bonne couleur. Bref, il ne sait toujours pas s'asseoir. Excusez-moi, mais des canapés, c'est pas discret. Donc, c'est pas discret. Ben voilà, canapés, on va essayer de les retrouver. Voilà. Ils se cachent. Dans bien. Le journal de la Conso Aurore, on parle de crédit hypothécaire. Oui, avec des changement à partir du 1er décembre pour plus de transparence. C'est une directive européenne qui a été transformée en loi belge et bref, il y aura des petits changements. Isa va nous aider aussi à trouver la caisse la plus rapide quand on va aller au magasin. Mais oui, parce que vous êtes comme tout le monde, vous avez toujours l'impression, ah j'ai pris la caisse 4, oui, mais alors, je crois que la caisse 2 va plus vite. Et alors au dernier moment, tu changes? Et bizarrement, ouais. En fait, c'est toujours ta caisse qui va plus lentement. Eh bien, je vais vous donner plein de trucs et astuces pour bien choisir votre fil. Ça va changer votre vie. Et c'est la question qu'on vous pose sur la page Facebook, notamment. Mais oui, d'ailleurs, il y a une très chouette petite animation qu'on vous a mise sur la page Facebook en vous demandant si vous, vous avez des trucs et astuces et si vous avez l'impression aussi d'être toujours dans la mauvaise file, d'avoir misé sur le mauvais cheval. Vous nous dites tout sur la page Facebook, on n'est pas des pigeons, aussi par mail, pigeonpluriel@rtbf.be. Le répondeur 070 222 660 et vous pouvez aussi envoyer des SMS au 3063, ça coûte 50 centimes. On va se relaxer aussi dans cette émission avec Saskia qui a testé des sièges massants. Oui, on va essayer de savoir en fait si ce sont de simples outils de relaxation ou si ça peut aider à soigner vos maux de dos. Ah, ça, ça peut être intéressant. Côté musique, il y aura ça. Et puis il y aura ça aussi. En gros, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les styles. Vous écoutez Vivacité, si on n'est pas des pigeons, c'est jusque 13h. Bienvenue tout le monde. Il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier. Tu peux compter que sur tes chers parents parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol parce que Dieu est grand et on est seul, on meurt seul. Sur ma route, oui. L'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens. Ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je pèse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une sauce. FM sur Vivacité et aussi sur ma route. Votre courrier est arrivé. Oh, nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Hier, Hubert nous donnait quelques conseils pour vivre vieux. Et vous avez aussi donné vos conseils à vous pour vivre vieux et vivre heureux et vivre longtemps. Oui, Micheline nous dit qu'elle a 50 ans. Je ne fume pas, je ne mange plus de viande depuis des années, je bois un verre d'alcool à l'occasion, je bois de l'eau et des jus de fruits frais, je fais attention à ce que je mange et surtout, je suis zen, je ne m'énerve jamais, je profite de la vie, je joue avec mes petits enfants, la vie est belle. Ah ben Micheline, ça donne envie. C'est chouette. Ouais, ça donne envie. Alors Sophie nous écrit, j'ai eu ma dernière fille à 40 ans, elle a 11 ans, c'est la meilleure des cures pour rester en forme. Et Chiquidine nous écrit, il ne faut pas oublier que dans pratiquement tout ce que nous mangeons, il y a des conservateurs. Ça aide aussi à vivre vieux puisque ça conserve. C'est une logique un petit peu particulière, mais c'est une logique comme une autre. Hier en télé, on se demandait si les péquets des fêtes de Wallonie étaient coupés à l'eau. Oui, alors Samuel nous écrit, comme la bière en festival, coupée à l'eau ou brassée d'une autre manière, uniquement pour ce type d'événement, toujours pour faire plus d'argent. Michel nous écrit, eh bien, pour avoir fait les Wallos, comme chaque année, je peux vous assurer que certains commerçants n'hésitent pas à les couper à l'eau. Notre première halte cette année nous a offert une mauvaise surprise. Au goût, c'était flagrant, on a vite été voir plus loin. Et Didier nous répond, non, je ne suis pas coupé à l'eau et pour cause, puisqu'il s'appelle Didier Péquet. Ah, c'est pas écrit tout à fait de la même façon, mais voilà. Tu crois que c'est prédestiné un nom comme ça? Je ne sais pas, mais en même temps, il faut l'assumer. Oui, c'est ça. Sur la page Facebook de l'émission, on vous a laissé aussi un article sur les cotes de luxe, l'occasion pour Séverine de nous livrer quelques anecdotes. Il y en a des tonnes, nous dit-elle, comme la fois où un de mes cocoteurs sous a envoyé de la sauce bolognaise au plafond et qu'on l'a obligé à repeindre pour ne pas faire sauter notre caution, ou quand la police a débarqué à 6h du matin pour arrêter un autre cocoteur dealer de cannabis, ou encore quand une autre cocoteuse a laissé traîner sa casserole sale tellement longtemps qu'on a fini par la mettre sur le balcon, en espérant que la moisissure finisse par manger la saleté. Entre parenthèses, ça n'a pas marché. Ou quand on a retrouvé, après le week-end, une cocoteuse attachée par son petit ami au radiateur. Mais non. Si, j'ai enlevé parce que la liste était vraiment longue. Vivre en communauté, c'est une expérience, surtout quand l'ambiance est stressante en période d'examen, nous écrit-elle. Si vous avez des choses à nous dire, c'est sur la page Facebook. On vous rappelle aussi les autres moyens pour joindre la rédaction des Pigeons. Le mail pigeon@rtbf.be, le répondeur 070 222 660 et puis le SMS 3063, ça coûte 50 centimes, le dans message. Quelques minutes, on part à la recherche des deux canapés que David a commandés sur le site de la Redoute. C'était en janvier. Les canapés, il ne les a toujours pas vus aujourd'hui. Mitsubishi chez Renversante, condition septembre en. Vous voulez dire en septembre, condition renversante chez Mitsubishi? Ça, c'est. Ok, d'accord. En septembre chez Mitsubishi, condition renversante sur toute la gamme. Vivacité vous invite à l'avant-première de Brise de Nice 3. Je m'avais regardé là. Ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ta gueule, mais juste un soir pour Halloween. Jean Dujardin revient avec son personnage culte dans une suite désopilante. Pour y assister en présence de Jean Dujardin le 29 septembre à Bruxelles et Braine-l'Alleud, composez le 0905 56 473 50 cents par appel. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 50 cents l'appel. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box d'NJ Electrabel. Aujourd'hui, on va travailler les poignets. On relâche bien, on prend le changement de vitesse et... On passe la première, puis la deuxième et la troisième. Bien souple le poignet et un et deux et la troisième. Bien! Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emule Gel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Médicaments ou diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Citroën Drugen Boss, Citroën Evair et Citroën Isère. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Citroën. Pour vos pneus et kits hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Citroën. Voir conditions en magasin. En télé sur la Une. René Tonneau, le comptable de l'Office Wallon des Déchets, vient donc d'être intercepté. L'Office Wallon des Déchets, plus que jamais sur la sellette. À la SNCB aussi, c'est le scénario catastrophe. Austérité et libéralisation auront-ils raison de notre fleuron du rail? Ce mercredi soir dans Question à la Une. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Viva, viva, viva cité. C'est salut, le collier, collier c'est de fleurs et tout machin. Bienvenue. Non. C'était le groupe Mom sur Vivacité. Il est 11h18, on accueille David. Bonjour David. Oui, bonjour. Le 18 janvier, vous craquez pour deux canapés. Vous êtes à ce moment-là en train de surfer sur le site de La Redoute. La livraison est prévue 6 semaines plus tard. Nous sommes au mois de septembre. Les canapés ne sont toujours pas là. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Ben, je ne le sais pas. Mais nous non plus. Alors comment on va faire quoi ? On tourne en rond alors. Merci. Bonne fin de matinée. À bientôt. J'ai reçu des canapés entre temps, mais qui n'étaient pas les bons. Après maintes et maintes plaintes au service client de La Redoute, mais j'ai toujours pas. Mais les bons canapés, voilà, c'est une horreur. Annie, c'est un petit peu penchée sur ce oui, dossier, évidemment. Voilà. Alors effectivement, commande le 18 janvier 2016. Il y en a quand même pour 2 × 470 €. C'est quand même c'est pas rien. Mal. Alors dans un premier temps, la livraison des canapés était prévenue 6 semaines ou 8 semaines après la commande. Et puis à ce moment-là, on a appris que les canapés s'étaient perdus entre les centres logistiques de La Redoute. Puis on lui dit, ben ça fait rien, on va vous renvoyer 2 autres canapés. Ceux-là, ils sont arrivés, mais c'était pas les bonnes couleurs. Donc hop, retour magasin aussi. Et maintenant, on est dans l'attente de la 3e fournée, on peut dire, des canapés. C'est donc la saga des canapés de David. Alors, la livraison aux dernières nouvelles que vous avez reçues, David, puisque vous m'avez envoyé la copie des mails, hein, vous êtes en contact par mail avec La Redoute, c'était prévu pour début septembre. C'est bien ça ? Oui, fin août, début septembre. Voilà, donc on est déjà à la moitié du mois, un peu plus d'ailleurs, il n'y a toujours rien. Alors, j'ai envoyé un petit mail au service clientèle de La Redoute, toujours pas de réponse. Donc moi, je propose qu'on essaye de joindre... Allons-y. Voilà, le seul numéro, c'est le numéro général. Eh bien, écoutez, on va... Je peux vous dire que la première musique, elle est sympa. Ah, parce que vous avez... Non, j'ai déjà testé le numéro. Annie passe son temps à écouter les musiques. C'est... Ah ouais. Qu'est-ce que je vous disais ? Et bienvenue à La Redoute. C'est sympa. Ça donne envie de rester longtemps. Je sens que je vais vite me retrouver en régime. Afin d'améliorer notre qualité de service, en même temps, nous il y a des chances. Que cette communication est susceptible d'être enregistrée. Eh bien, nous, on passe en direct à la radio. C'est encore mieux que d'enregistrer, ça, madame. Déjà enfin, cela dit, c'est enregistré aussi pour nous. Je tape 1. Ah, zut, on n'a pas écouté là-dessus. Ça, c'est malin. Zoé, tu tapes ce que tu veux au standard. Oui, taper 1, ça veut dire que si on connaît déjà La Redoute, oui. Ah, d'accord. Je souhaite commander. Non.

Mike and the Mechanics, Mike Pook, Mike Rutherford, le bassiste ou je sais pas quoi, mais de Genesis, ça c'est sûr, avec Over My Shoulder, c'était en 1995. Annie est toujours côté standard avec la Redoute. Annie, du standard, est-ce que ça marche ou pas? Alors écoutez, je suis toujours en train d'écouter la musique de la Redoute. Oui. Et le message, c'est votre correspondant traite votre demande. J'ai une dame qui m'a dit mais qui m'a emballé un autre service. Et la musique, c'est... N'est-ce pas ? D'accord, ok. On vous ment pas. Hein. Elle est, Annie est du côté du standard. On essaye de retrouver les deux canapés de David qui se sont égarés depuis le mois de janvier. C'est un petit peu fâcheux. En attendant, eh bien, on part sur les routes. Caroline Gillet, comment ça se passe de votre côté ? Plutôt bien. Est-ce que... Ah non, voilà. Ça se passe plutôt bien sur les routes. On va tout de même rappeler qu'une manifestation est prévue à Bruxelles aujourd'hui à 16h30. Certaines rues, comme la rue de la Loi par exemple, seront fermées dès 16h. Le tunnel Reyers-Centre, le tunnel cinquantenaire en direction du centre seront déjà fermés à 15h30. À savoir que le rond-point Schuman et le tunnel Reyers-Centre pourront rester fermés jusqu'à 23h. Donc si vous le pouvez, quittez Bruxelles avant le début de cette manifestation, puisqu'on attend d'importants barrages de circulation dans tout le secteur. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il est 11h28, place au journal de la conso avec cette question intéressante dans la DH. Les assurances interviennent-elles pour les vols commis sans effraction? Tiens, voilà une bonne question. Ça représente 9% des vols. Et bonne nouvelle, ils sont couverts par l'assurance habitation pour autant que vous ayez souscrit à la couverture vol, ce qui en général est quand même le cas. Hein. En tout cas, dans certains cas. Ce que vous allez voir, la réponse de l'article, c'est un peu une réponse de Normand. Un vol sans effraction, ça veut dire par exemple un vol commis à l'aide d'un passe-partout, via une porte ou une fenêtre laissée en oscillobattant si vous êtes à l'intérieur, ou si une personne fait diversion pendant qu'une autre personne s'introduit dans la maison, genre les faux policiers, des choses comme ça. Là donc, votre assurance va intervenir. Si par contre, votre fenêtre est restée ouverte en oscillobattant quand vous n'êtes pas à l'intérieur, ben là c'est plus discutable, ça dépend un petit peu et du contrat et des assureurs. En Belgique, un vol est commis toutes les 7 minutes. Tu déconnes? Ah, c'est énorme. Bah non, est-ce que j'ai une tête à déconner? Mais oui, la plupart du temps, oui. Oui, c'est mais vrai. Là, ça me rassure. T'es sérieux sur ce coup-là? Toutes les 7 minutes, c'est quand même beaucoup. C'est la DH, hein, c'est pas moi qui ai inventé les chiffres. On poursuit avec une bonne nouvelle à lire dans l'Écho aujourd'hui. C'est l'eau qui n'augmentera pas en Wallonie jusqu'à fin 2017. Oui, en tout cas, ce qu'on appelle le coût vérité de l'eau, soit le seul coût maîtrisé par la Société Wallonne de distribution d'eau. Ce coût sera bloqué à 2,62€ le mètre cube jusqu'à fin 2017. À cela, il faut encore ajouter l'intervention dans le Fonds social de l'eau, la TVA et les coûts vérités de l'assainissement. Donc voilà, il y a une partie qui est bloquée, mais pas le reste. Enfin, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle peut-être, si vous comptez investir dans la brique, il y aura des changements le 1er décembre en matière de crédit hypothécaire. Oui, avec surtout une grande nouveauté, l'interdiction de la vente liée. Donc jusqu'ici, les banques imposaient souvent pour l'ouverture d'un crédit, si pas toujours, qu'on souscrive à certains produits comme, bah, le plus connu, l'assurance solde restendu ou carrément l'assurance habitation. Et bien désormais, c'est interdit de l'imposer, mais ça reste permis. Donc par exemple, la banque peut vous dire... Je ne vous oblige pas à souscrire à cette assurance, mais par contre, si vous le faites, je diminue mon taux. Mmh. Donc voilà, ça c'est déjà quand même une grande nouveauté. Alors autre changement, c'est l'élargissement du champ d'application. Donc le crédit ne sera plus limité à la conclusion de crédit pour l'immobilier, mais sera étendu aux biens mobiliers, pour autant que ceux-ci soient garantis par une hypothèque. Enfin, troisième nouveauté, le client devra recevoir une fiche européenne d'information standardisée. C'est une fiche qui va permettre de comparer plus facilement les différentes offres du marché puisqu'elle devra indiquer clairement les caractéristiques du crédit, ce qui n'était pas toujours le cas. Et ce qui permettra peut-être d'acheter la maison d'Harry Potter. Oui, par exemple, puisqu'elle est mise en vente pour un petit prix de 555 000 €. C'est en fait la maison dans laquelle il était hébergé pendant les grandes vacances chez son oncle, les méchants, là, vous savez, Vernon et Pétula. Ouf, c'était l'oncle et la tante. D'accord, il était dans la cache en dessous de l'escalier. Oui, d'accord, ok. Je me suis aidée de Wikipédia. Dans le Harry Potter numéro 1. Oui, mais après, je pense qu'on voit encore dans la maison. Hein. Et en fait, justement, cette maison, elle n'a servi la vraie maison que pour le Harry Potter 1. Après, ils

prie pour que mieux je me porte. Ne me jette pas la faute, ne me ferme pas la porte. Claudio Capéo en cette fin de matinée sur Vivacité avec un homme debout. On n'est pas des pigeons. Isabelle, aujourd'hui, vous allez nous rendre un service extraordinaire et je pèse mes mots. Vous allez nous dire comment choisir la file la plus rapide au supermarché. Mais oui, parce que je suppose que vous êtes comme tout le monde, hein, quand vous choisissez la caisse. Toujours la mauvaise, c'est voilà, toujours la mauvaise file. Vous allez toujours dire, oh, j'aurais dû prendre la 2, là j'ai pris la caisse 4 et ça n'avance pas. À ce sujet, sachez quand même que selon un auteur britannique, cette sensation d'avoir choisi la mauvaise file, ouais. Eh bien ça s'explique. Parce que le cerveau humain perçoit toujours l'attente comme longue s'il est immobile, si la personne est immobile. Donc, si vous faites quelque chose pendant que vous faites la file, par exemple, si vous téléphonez, si vous écoutez de la musique, si vous regardez les jolies filles qui sont toutes autour de vous, eh bien, vous n'aurez tout de suite plus la même sensation. D'accord, soit j'entends. Voilà. Mais quand j'arrive devant la caisse, je fais comment pour choisir celle qui va le plus vite? Alors, la première chose à faire, paraît-il, c'est d'abord de bien regarder les différentes files et de regarder qui fait la file. Et en fait, il faut préférer une caisse où il n'y a qu'une seule personne, même si son caddie déborde à craquer, plutôt qu'une caisse où il y aurait quatre personnes avec des petits paniers. Et pourquoi? Eh bien alors, figurez-vous qu'il y a carrément un mathématicien qui s'est penché sur le problème. Alors, il paraît que chaque personne passe plus ou moins le même temps à dire bonjour à la caissière, au revoir, à débarrasser le tapis de caisse et à payer. Alors, selon lui, ça prend toujours à peu près 41 secondes par personne. Scanner un objet à la caisse, un objet, c'est 3 secondes. Okay. Donc, attention, prenez vos calculettes. Okay. C'est drôle. Une personne achète 100 articles. Oui. Donc 100 articles à 3 secondes, 300 secondes, plus les 41 secondes. Voilà. 341 secondes. Donc 341 secondes, on va dire, ça fait 5 grosses minutes. Mais s'il y a 4 personnes avec un panier dans lequel il y a 20 articles, calcul, ça fait 404 secondes. D'accord. Soit ça fait parce 6 grosses minutes. Il y a 4 fois le bonjour, au revoir, emballé, machin, 41 voilà, secondes. D'accord. Tout à fait. Ok. Mais il n'y a pas les magasins aussi qui ont tenté des files uniques? Oui, tout si, à y a, fait. Il y a d'autres trucs. De toute manière, il y a d'autres trucs. Oui, voilà. On va peut-être encore donner quelques petits trucs parce que vous allez me dire si je vais à chaque fois aller voir combien il y a d'articles dans son panier. Parce que les magasins files uniques, ils ne sont pas beaucoup. Hein, ils sont pas beaucoup. Non, ça commence quand même. Donc, un autre truc. Un autre chercheur, parce que finalement, ils sont assez nombreux à se pencher sur cette question existentielle. Il dit qu'il faut préférer la file de gauche. Parce que les gens étant majoritairement droitiers, ils ont tendance à aller toujours sur la file qui est plutôt à droite que celle qui est à gauche. Et il faudrait essayer ça un jour. Le même spécialiste, et là je suis tout à fait d'accord avec lui, dit qu'il faut préférer les caisses qui sont tenues par des femmes. Ah bon ? Oui, parce qu'elles sont plus efficaces et plus rapides que les hommes. Et ça, je ne vous apprends rien, tout le monde le sait déjà. Et alors, je peux donner un truc ? J'ai remarqué ça, tu prends la caisse quand tu rentres dans un magasin, la caisse qui est proche de l'entrée. Parce que tu fais ton tour dans le magasin, donc tu entres et puis tu vas vers, tu commences par n'importe quoi, je veux dire, c'est souvent l'IFI, les broles que tu as dans les gros magasins, et puis tu finis par tout ce qui est alimentation, et la première caisse qui s'offre à toi, c'est la numéro 17. Et tout le monde vient là, donc tu remontes la file vers l'entrée du magasin. Vous allez généralement plutôt à gauche alors. Je vais au bout, à droite. Non, c'est à gauche. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des files uniques aussi. Et certains magasins l'ont tenté. Moi, je trouve que c'est efficace, moi, ça. Mais oui, eh bien, on avait fait un sujet en 2014 dans un magasin, un hypermarché Carrefour à Bierge, donc dans le Brabant wallon, où on avait effectivement nos deux journalistes, l'un avait tenté la caisse unique. Et finalement, Carrefour s'est dit, l'expérience est concluante parce qu'ils ont effectivement constaté qu'il y avait une diminution du temps d'attente aux caisses et que leurs clients étaient plutôt contents. Du coup, ils ont étendu le principe de la file unique. Ils ont dépassé une dizaine d'autres hypermarchés. Et c'est les hypermarchés seulement, parce qu'en fait, pour faire la caisse unique, il faut vraiment que le magasin soit grand. Sinon, quand vous avez une file unique, donc c'est une file unique, pas une caisse unique, sinon les gens ne seraient pas contents. Donc la file unique, elle risque de serpenter pas mal dans le magasin. Donc il faut qu'il y ait de la place pour que ça ne donne pas l'impression que la file soit immense. Alors comment ça se passe? Eh bien, donc vous faites la file unique, et puis un panneau vous dit, ah ben tiens, allez à la caisse 17, c'est celle-là qui est libre. Donc il y a vraiment une certaine fluidité. Et puis, mais malgré tout, même s'il y a la file unique, ils gardent quand même toujours des caisses classiques, parce qu'il y a inévitablement des gens qui restent toujours attachés à « je choisis ma caisse ». Ouais, et il y a aussi ceux qui préfèrent le self-scanning. Voilà, c'est une autre façon de fluidifier, je dirais, le trafic à la caisse. Mais alors, toute la question quand même dans ce principe-là, c'est voir si la surface, la grande surface qui le pratique, elle ne serait pas perdante à la fin, parce que cet été, il y a eu une étude britannique, décidément, il n'y a que des Britanniques qui se sont penchés sur ce problème-là. Et cette étude a calculé les pertes engendrées par le système du self-scanning. Elle serait quand même proche des 4% des ventes. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, on se dit toujours, bon, oubli volontaire ou oubli de la part du client qui ne l'a pas fait exprès, c'est toujours difficile à dire, difficile à prouver. Évidemment, si c'est quelqu'un qui dit « Oups, j'ai oublié de scanner la bouteille de champagne », ça passe un petit peu plus difficilement. Et moi, je suis pour que les caisses restent, juste pour entendre « Josette !» Renfort, qu'est-ce sac, s'il vous plaît, José. C'est gay, ça, hein? Ça fait partie de la grande surface. Ça a son charme. On vous pose une question sur la page Facebook concernant les files et les magasins et les caisses. Mais on vous demande si, justement, vous avez l'impression aussi d'être toujours dans la mauvaise file et si vous avez des trucs et astuces. On a déjà Sandra qui nous dit « Moi, je suis toujours dans la mauvaise file. Même quand je suis dans une file qui avance vite, il y a toujours un moment où quelqu'un a oublié quelque chose ou alors quelqu'un qui compte en petite monnaie. » Dans quelques instants, on continuera à vous lire, mais aussi, on se fera plaisir avec un petit massage. Cuisine Créfelle. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfelle. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Vivacité et la 2 présente Spa Italia. Le dimanche 2 octobre, vivez une journée 100% italienne sur le circuit de Spa Francorchamps. Exposition d'auto et moto classiques et modernes. Sessions sur piste, parades et bien plus encore. Inscription et informations sur spaitalia.be. Un événement DG Sport. On est toujours gagnant chez Intermarché. Et plus encore, c'est samedi 24 septembre. Pour la journée du client, nous vous offrons un livre de recettes et nous doublons les euros reversés sur votre carte de fidélité. Wow. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés. Horaires en magasin. À fond au ski ? Ou à fond à l'après-ski ? Lâchez-vous. Avec les sports d'hiver Neckermann, all-in signifie vraiment all-in. Réservez maintenant vos vacances aux sports d'hiver et recevez jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances. En télé sur la une. On peut savoir ce qui se passe là ? Votre femme est arrêtée pour meurtre. Je vous assure que je suis innocente, j'ai pas tué cet homme. Elle arrête pas de dire qu'elle est innocente. On m'a piégée, il n'y a pas d'autre possibilité, d'accord ? Faut à tout prix prouver que c'est un coup monté. Comment se disculper quand tout nous accable ? Innocente, votre nouvelle série inédite, mardi soir sur la une. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Les prix chutent comme les feuilles. Quel que soit votre style, vous trouverez votre bonheur pour votre habitation au Carrelage Salvator. Il est temps de vous faire plaisir avec des collections à tout petit budget. Des prix vraiment plus qu'accessibles. Des milliers de mètres carrés de carrelage à tout petit prix. Venez découvrir nos offres exceptionnelles dans nos showrooms de Villevorde et Rode-Saint-Genèse. .be. dreams that you dream of once in a love abide. I, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. And the dreams that you dream of, dreams really do come true. Where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. And the dream that you did to, oh, why can't I? Where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't I? Faut pas grand chose pour faire une bonne chanson. Une guitare, une jolie voix, celle d'Israël Kamakawiwo avec Over the Rainbow. Alors j'écoute du Miles Davis. vie sur Vivacité avec J'écoute du Miles Davis. N'oubliez pas la question sur la page Facebook, vos trucs et astuces pour aller plus vite à la caisse. Est-ce que... Oui, il y en a un que j'aime bien. Il y a Rosanna qui vient de nous donner... Je ne sais son, pas, enfin, son c'est truc un commentaire. À la caisse, je lâche une caisse. Voilà, et voilà. Ça, c'est fait. En même temps, elle sera toute seule à la caisse. Bah justement, c'est son truc à elle. Ça, c'est sûr. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Mettons-nous un petit peu dans l'ambiance zen attitude. Parce que cette semaine, on était sympa avec notre stagiaire. Saskia, on vous a envoyé vous faire masser. Vous avez testé les sièges massants. Est-ce que c'est un pur produit de bien-être ou un réel atout pour soigner les maux de dos, par exemple? Moi, je suis sûre que vous avez déjà tous rêvé d'avoir un bon massage en rentrant d'une longue et intense journée de travail. Moi, en tout cas, j'en rêve encore et j'en rêverai toute ma vie, je pense. Mais comme un bon massage, ça coûte généralement assez cher. Ça sent l'appel en direct à la radio, ça. Ouais. Mais un bon massage, ça coûte cher. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester le siège massant, voir un peu ce que ça vaut. Vous en avez déjà utilisé, vous? Non. Chez le coiffeur, souvent au shampoing, il y a un siège massant. Alors, à ce moment-là, il peut vous demander ce que vous voulez. Hein, et je vous fais un après-shampoing, et je vous fais c'est ceci. Ça. Et vous la note, oui, elle augmente. Voilà. Mais vous dites oui à tout pour rester le plus longtemps possible sur le siège, tellement c'est génial. Comment t'arrives à lire public, closer et voici, c'est plus possible. À ce moment-là, tu ne lis plus. Si, tu lis quand il te coupe les cheveux. Là, c'est que au bac shampoing. D'accord. Et j'en ai testé aussi, donc pour voir si c'est vraiment aussi bien que ce qu'on le dit. Donc, je me suis rendue dans plusieurs magasins qui proposent des sièges massants. Et il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les budgets. Alors, comment ça fonctionne? Quand on s'assoit sur le siège, on sent des boules qui font des petits cercles dans le dos qui vont du haut en bas, de gauche à droite. C'est super agréable. Et avec plus ou moins de pression. Et ça s'appelle d'ailleurs la technique du shiatsu. Et dans certains sièges, les boules de massage sont parfois chauffantes. Elles vont jusqu'à 30 degrés pour imiter la chaleur humaine. Et il y en a même certaines qui contiennent un gel pour que les boules soient plus molles afin que ce soit plus agréable pour la personne qui se fait masser. Et ça fait vraiment du bien. Si j'ai mal au dos, par exemple, est-ce que ce genre de siège massant peut m'aider? Justement, j'ai posé la question à une kiné. Pour elle, ces sièges permettent de faire des massages de relaxation et de détente. Donc c'est très bien si on veut prendre un moment pour soi, mais en aucun cas ça peut guérir un mal de dos. Parce qu'elle m'expliquait à juste titre que le kiné connaît l'anatomie, la physiologie et les pathologies du patient, contrairement au siège qui lui ne peut donc pas traiter le fond du problème. Alors si je veux un siège massant, c'est juste pour me détendre, pas pour soigner un mal quelconque. Exactement. Et en plus j'ai demandé à la kiné, mais si on a vraiment mal au dos, est-ce qu'utiliser ce genre de siège, ça ne va pas empirer la situation? Elle m'a dit effectivement, elle ne le conseillerait pas en cas de douleur de type aiguë et inflammatoire. Donc comme quoi, il faut faire attention. Et on peut utiliser ça tout le temps, même au bureau? Oui, si ça vous intéresse, vous pouvez demander à la rédaction. Moi, je vous viens bien la journée entière. Tu m'étonnes. Ouais. Alors oui, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Il n'y a pas de restriction, mais ça fait quand même un peu de bruit. Donc au bureau, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Alors si je veux me détendre et que je ne veux pas acheter de siège massant, que je veux en acheter un justement, ça me coûte combien tout ça? Il y en a pour tous les budgets. Il y a un peu à boire et à manger. Donc ça va de 50 euros à un peu plus de 300 euros. Donc j'en ai testé plusieurs. Par exemple, un à 179 euros, où là, les boules de massage étaient assez dures. Donc pour une personne qui a un peu mal au dos ou qui est sensible à la douleur, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc j'en ai testé un autre, un peu plus cher, à 299 euros. Ouais, quand même. Ouais, où les boules de massage là sont beaucoup plus molles, où il y a justement ce gel dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est quand même plus agréable. Et si on veut avoir quelque chose de bien qui détend, il faut quand même mettre le prix. Faut faire ça à la maison, tranquillement, dans son bureau, et puis tu crois que tu travailles, mais que tu t'endors en fait. Si en plus on met la musique qu'Alexis vient de nous glisser dans les oreilles, c'est un petit peu compliqué. Voilà, si vous avez 300 boules pour des boules, n'hésitez pas, mais ça masse, et ça peut être sympa. Francis Cabrel arrive. Et puis on retourne du côté de la Redoute parce qu'on l'avait oublié, Annie, elle était côté standard, mais elle revient avec une bonne nouvelle peut-être pour les canapés de David. Quelqu'un d'autre dans ta glace, entre les potions et les crèmes, tous les petits pots qui s'entassent, tu vois, le temps est passé quand même. On croyait faire du surplace, à ça on s'en est donné de la peine. On se dépense, on se démène, et même sous les pas d'une reine, la grande aiguille se déplace. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. Entre les chaos du parcours, les demi-tours, les impasses, les grandes nuits, les petits jours et tout ce qui raye la surface. On tombe chacun à son tour, entre les griffes du rapace. Le seul remède, c'est l'amour d'ailleurs. C'est pour ça qu'on court d'un bout à l'autre de l'espace. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. Rester, rester, rester. On n'est même pas pressé. Rester, rester, rester. Dans un coin de mes pensées, une vie à t'enlacer, mille fois recommencer. Et c'est pour ça qu'on va rester, rester, rester. J'aurais aimé te la porter sur un beau coussin de dentelle, la niche où se cachent les clés de la mécanique éternelle. Mais l'horloge est hors de portée, et ce n'est pas là l'essentiel. Elle peut continuer de tourner, elle peut tout emporter. Je te trouve chaque jour plus belle. On va viser l'éternité. Ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. Rester, rester, rester. On est loin d'être lassé. Rester, rester, rester. Dans un coin de mes pensées, une vie à t'enlacer, mille fois recommencer. On va rester, rester, rester. On n'est même pas pressé. Qu'on a blessé, qu'on aurait dû embrasser. Francis Cabrel avec Parti pour rester. Tout à l'heure, nous avions David en ligne. David qui a commandé des canapés sur le site de La Redoute en janvier et il les a toujours pas reçus. Annie, une demi-heure quand même. Vous avez passé une demi-heure, oui, avec le call center de La Redoute. Longtemps. Est-ce qu'on a des nouvelles? Eh oui, on a des nouvelles. Finalement, j'ai pu avoir la responsable du call center de La Redoute en ligne. Et donc, voilà, elle a regardé le dossier de David. Elle prend contact après-midi avec David. Elle me met en copie parce que quand même, on a bien d'être tenu au courant preuves, du suivi. Voilà. Hein. Et donc, bah, elle va annoncer, je l'espère en tout cas, une bonne nouvelle pour David. Mais on a eu quelqu'un. Voilà, mais quelqu'un. Elle a expliqué le pourquoi du comment? Pourquoi ça traîne? Pas encore. Non, pas encore. C'est pas, parce qu'on sait toujours pas où ils sont. C'est, ces deux canapés se sont perdus dans les entrepôts, c'est ça, un petit peu fâché. On les oublie, il va falloir en retrouver de nouveau. Voilà, mais, et en plus, on a promis un geste commercial et donc celui-là aussi, ah, on espère aussi. Que ça on se fera. On attend. Il y a les infos de midi qui arrivent, on revient derrière. Et hop, le bon plan en septembre, c'est d'acheter une Citroën au Garage Pigeon. Garage Pigeon, 50 ans de Citroën, ça forge la confiance. Et durant ce mois de septembre, prime de reprise intéressante. 50% de remise sur les options et des offres alléchantes sur les véhicules de stock. Garage Pigeon, 59 rue Général Le Mans, Heiterbeek. Vivacité présente, en partenariat avec les AP Assurances, l'échappée belge. Sur les petites routes de Provence et à travers les plus beaux coins du Luberon, d'Apt à Forcalquier, en passant par Manosque, Cavaillon, Roussillon et une arrivée le 27 septembre au Théâtre des Dons en Avignon. L'échappée belge, avec la complicité des voyages SNCF.com, à suivre tous les jours de la semaine à 14h et le samedi à 16h. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Chérie, Non, arrête ça tout de suite. C'est super bon, excellent. Ah, c'est pareil tous les dimanches. Non. Bon, repose-le maintenant. Encore une page, allez, jusqu'une. Cet dimanche, votre journal riche en infos croustillantes, actu, people, résultats sportifs et tous les bons plans évasion du dimanche. Gratuit en boulangerie et commerce de proximité. Cet dimanche, le journal qui se dévore. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Et on retrouve Delphine Vreux pour l'info. Bonjour Delphine. Bonjour. Êtes-vous déjà monté sur un vélo électrique et avez-vous déjà pris de la vitesse en pédalant sur ceux de roues? Les vélos électriques sont de plus en plus nombreux, mais aucune réglementation n'existait. Une nouvelle entre en vigueur dans quelques jours, le 1er octobre, et si vous voulez rouler vite, vous devrez par exemple avoir un permis. Quelles sont les mesures qui sont prévues? Écoutez la réponse de François Belot, ministre fédéral de la Mobilité. Tous les vélos électriques les plus puissants, dont les Speedelec, devront être immatriculés. Ceux qui l'utilisent doivent porter un casque. Ce sont des vélos qui peuvent atteindre des vitesses de 70 à 80 km à l'heure. Donc, ce n'est pas des petits engins, c'est vraiment hyper puissant. Et donc, on veut donner tous les éléments de sécurité. Il y a aussi, bien entendu, l'obligation d'avoir une assurance pour les Speedelec, comme une mobilette. Ça, on est tout à fait dans le même modèle que la mobilette. Mais ce que nous voulons surtout favoriser, c'est l'usage du vélo. On entend souvent dans le sud du pays, oh oui, mais il y a des côtes, c'est difficile. Bah, ici, le vélo électrique permet de ne pas devoir faire trop d'efforts. Des propos recueillis par Sophie Mergen. Une bande irakienne de trafiquants d'êtres humains démantelée en Belgique. 4 suspects sont incarcérés. L'enquête n'est pas terminée. De faux papiers, des armes et des munitions ont été saisis. L'enquête a débuté l'an dernier déjà suite à l'afflux massif de demandeurs d'asile d'origine irakienne. Vu leur nombre, la police n'excluait pas l'existence d'organisations criminelles actives dans le trafic d'êtres humains. Des clichés de la chambre d'hôtel et de la victime, Véronique Piroton allongée dans la salle de bain de la chambre à Ostende. Image projetée ce matin au procès de Bernard Westphal devant la cour d'assises de Mons. L'ex-élu wallon est soupçonné d'avoir tué son épouse. Alors forcément, Michel Gretry, dans la salle d'audience, la vue de ces photos a rendu l'ambiance lourde. La deuxième journée d'une cour d'assises, c'est traditionnellement pénible. Les policiers viennent à la barre raconter leurs investigations et ils projettent sur écran large les images des premiers constats. En l'occurrence, l'état des lieux de la chambre 602 de la salle de bain. Lorsqu'inévitablement le cadavre de son épouse apparaît, l'accusé détourne le regard, se voile la face, ferme les yeux. La tristesse se lit sur son visage. À quelques mètres de là, sur les bancs de la famille Piroton, d'autres réactions s'observent. Le cousin écrase une larme, la sœur baisse la tête, la tante, seule, stoïque, soutient l'insoutenable des photographies. Elles sont en définitive très techniques, les indices sont inventoriés, répertoriés, analysés, et devant les jurés, ils sont commentés avec détachement, presque avec froideur. C'est ce qui frappe ce mardi matin, l'écart entre les enquêteurs, imperturbables, et ceux qui, de près ou de loin, ont vécu les événements. Un récit signé Michel Gretry et la journée donc consacrée à l'audition de la juge d'instruction et des policiers qui sont descendus sur les lieux du drame. Où est-elle restée cachée durant 24 heures, la jeune adolescente qui a disparu hier à Saint-Hubert en province de Luxembourg est revenue chez elle ce matin. Elle est saine et sauve. Elle est rentrée par ses propres moyens. Il pourrait s'agir d'une fugue. De gros moyens ont été déployés pour la retrouver. Enfin, encore une nouvelle destination pour l'aéroport de Charleroi. La Corse, la compagnie régionale Air Corsica s'y installe l'an prochain dès le 26 mars. Avec des vols vers Ajaccio et Bastia entre mars et novembre, la compagnie fait voler 21 000 avions chaque année. Et sur les routes, comment ça se passe, Caroline Gillet? Eh bien, ça coince pour rejoindre la France sur le 17 Gand-Lille avec des files depuis Albeck. Vous perdez une dizaine de minutes avec des files sur 4 km. Et puis, on rappelle la fameuse manifestation qui est organisée à Bruxelles cet après-midi vers 16h30. Certaines rues seront fermées dès 16h. Les tunnels Reyers-Centre et Cinquantenaire seront déjà fermés à 15h30. À savoir que le rond-point Schumann et le tunnel Reyers-Centre pourront rester fermés jusqu'à 23h. Donc, si vous en avez l'occasion, quittez Bruxelles avant le début de cette manifestation, on attend pas mal d'embarras de circulation. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et jusqu'à 13h, toute l'équipe n'en est pas des pigeons. Merci Delphine, bel après-midi. Vous souhaitez garder de l'argent pour vos enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant? Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. On n'est pas des pigeons sur Vivacité. Dans l'équipe d'On n'est pas des pigeons, nous sommes tous des idéalistes. Nous aimerions sauver le monde. Mais on va commencer petit, en sauvant les poules déjà de l'abattoir. Ah bah, il faut commencer quelque part. Hein. Et peut-être après, si on a le temps, on sauvera le monde. Sauver les poules de l'abattoir, c'est possible. On donnera un petit coup de fil à notre journaliste qui est parti sauver les poules. Donc, c'est assez... Voilà, bah écoute, tu fais quoi aujourd'hui ? Bon, je vais sauver les poules. En France, non, c'est France qui a acheté des baskets sur Internet. Ça se trouve, c'est peut-être un site en France. Hein. Mais en recevant le mail de confirmation, Annie, elle s'est demandé si elle avait bien fait ou si elle ne s'était pas fait avoir. À mon avis, elle s'est complètement fait avoir. C'était le site VIPadidas.fr. C'est mal parti. Allez, surtout jamais. C'est mal parti. Surtout, ne cliquez pas. Isabelle, on va encore essayer d'éviter la file, de faire la file avec vous. Mais cette fois, c'est dans les snacks et c'est pour le lunch de midi. Ouais, et vous savez ce que je vais faire ? Non. Je vais aller chercher le sandwich. Je vais passer devant tout le monde et personne ne va râler. Ah bah tiens. Carrément. Ah bah ça, alors ça, je veux voir. Et puis, à propos de file, la mauvaise file dans le magasin, c'est toujours la nôtre. Est-ce que vous avez des trucs pour les éviter, ces mauvaises files ? Oui, c'est ce qu'on vous demande sur notre page Facebook. On n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi répondre par mail. L'adresse, c'est pigeon@rtbf.be. Notre répondeur 070 222 660. Et vous pouvez envoyer un SMS au 3063. Ça coûte 50 centimes. Côté musique, il y aura Camaro. Donne-moi ton cœur. Avec une femme like you, Céline Dion sera là aussi. Encore un soir, encore une heure. Ouais, encore une heure, un peu moins d'une heure, c'est le temps qu'on va passer ensemble. On est ensemble donc jusque, si vous avez bien fait le calcul, 13. Il n'y a personne qui suit, oui, 13. Il n'y a que Céline. pause de midi qui commence bien en écoutant Vivacité avec Adèle. Et pourquoi pas un bon sandwich aussi, évidemment. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Alors, il y a une demi-heure avec Isabelle, on parlait des fils dans les supermarchés, des trucs pour repérer la bonne file. Cette fois-ci, bon, on va parler des files qu'on fait à midi pour aller chercher son petit sandwich dans un snack. Voilà, et là aussi, il y a un moyen d'éviter ces files, et ce moyen, ça s'appelle SkipQ. Alors SkipQ, c'est quoi? C'est un site, c'est une application, et ça vous permet d'aller réserver d'abord votre lunch, hein, le sandwich, la salade, ce que vous voulez, et quand vous allez chercher, magique, vous ne faites pas la file. Oh, ça c'est trop fort, on en parle avec une de ces concepteurs, un de ces concepteurs en ligne, Alexandre Deprête, bonjour. Bonjour. Comment ça fonctionne, votre système? Alors, SkipQ, c'est un moyen extrêmement simple et gratuit pour nos utilisateurs de ne pas faire de file interminable. Alors, les gens se rendent soit sur notre site internet www.skipq.com, soit téléchargent notre application en Apple ou en Android. Et là, en quelques clics, ils peuvent soit composer leur salade, soit composer leur sandwich, sélectionner leur soupe ou le plat du jour. Et de cette façon, ils prépayent et 20 minutes après, ils peuvent se rendre en magasin et récupérer sur le côté directement leur déjeuner. Mais c'est pas un peu ralent? Moi, par exemple, je fais la file traditionnelle, je dirais, je viens chercher mon lunch et je vois quelqu'un passer devant moi parce qu'il a prépayé. Ça pose pas problème, ça? Alors, deux choses. La première, les clients qui passent par notre plateforme commandent à l'avance jusqu'à une certaine heure, la plupart du temps jusqu'à 12h30. De cette façon, tout est préparé et mis sur le côté, sur un endroit spécial. De cette façon, ils ne passent pas la file et comme ils ont déjà payé, ils ne doivent pas passer à la caisse et ne vous retardent pas. D'accord. Et c'est un service payant? Donc je paye mon lunch plus ce service? Non. SkipQ est exactement le même prix que ce que vous payeriez en magasin. Et c'est un service qu'offrent les magasins pour justement pouvoir réattirer ou attirer de nouveaux clients qui ne venaient plus parce qu'il y avait trop de files. Mais donc, pour payer, si on l'a bien compris, il faut nécessairement avoir une carte. Hein, parce que je pense à beaucoup d'étudiants, de jeunes étudiants qui n'ont peut-être pas une carte de banque, ça ne leur est pas réservé, ou bien tous ceux qui ont des chèques repas pour leur repas du midi. Alors aujourd'hui, nous travaillons principalement avec les cartes de crédit Visa, Mastercard. On travaille aussi avec Maestro, que la plupart des gens en Belgique ont. Et on travaille aussi avec PayPal. Donc là, on voit un certain nombre de jeunes. Sur PayPal, vous pouvez envoyer un montant et vous pouvez ensuite dépenser le montant que vous avez provisionné sur votre compte PayPal. Certains parents font ça pour leurs enfants. Comme ça, ils savent que leur sandwich, que les enfants pourront commander leur sandwich à midi. Et il y a déjà beaucoup de snacks et de restos qui sont accessibles grâce à votre site ou bien c'est très limité encore? Alors aujourd'hui, SkipQ existe depuis début mai où nous avons lancé la plateforme. Aujourd'hui, on a d'abord commencé à travailler pour s'assurer qu'il n'y avait plus de couac, que toutes les commandes arrivaient et que tout était préparé quand nos clients arrivaient. Et aujourd'hui, on est presque à 30 et on espère atteindre les 40 points partenaires pour fin septembre. Ils sont où? Ils sont situés où exactement ces points? Ils sont principalement dans la capitale ou on retrouve ça dans d'autres villes? Aujourd'hui, essentiellement dans la capitale, on part de Boisfort pour ensuite faire un certain nombre d'endroits sur l'avenue Louise pour arriver jusqu'autour de la gare centrale où on a 3, 4, 5 restaurants partenaires. Mais l'idée, ensuite, c'est d'élargir à d'autres villes, évidemment. Pardon? L'idée, c'est d'élargir à d'autres villes. Exactement. Donc, dans un premier temps, on teste, on s'assure que le plus de nombre de clients vient. Et quand on aura atteint une bonne taille, nous irons vers le Venantwerp. D'accord. Bah, le bon plan du jour de l'équipe d'On n'est pas des pigeons, SkipQ. En fait, on en avait marre de faire la file aujourd'hui. On a tout axé autour de ça. On est des mauvais souvenirs. C'est notre journée file. SkipQ, ça s'appelle. C'est une application gratuite pour vous permettre de réserver votre sandwich en ligne et de ne pas faire la file. Donc, on va marquer une pause. Sur le sandwich à midi, il y aura peut-être du poulet. Bah non. Non, parce qu'on va aller le sauver de l'abattoir dans quelques minutes. Ce samedi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Eh ben moi, tant que le jackpot loto n'est pas gagné, je vous raconte des blagues idiotes. Alors attention, que font deux scampis à la montagne? Deux scampings. Deux scampings. Jouez donc au loto ce mercredi. Il y a près de 3 millions d'euros à gagner. Ah oui, alors là, j'arrête mes blagues, promis. Merci loto. La grande foire au vin, c'est chez Delhaize. Cette semaine, pour une bouteille de vin espagnol Faustino Reserva 2010 ou 2011 achetée, la deuxième est gratuite. Delhaize. acheter, bien manger. Chaque samedi dans les clés de l'actu, le soir décode l'information et explique avec schéma et infographie des sujets aussi variés que l'ONU, la mobilité ou le terrorisme. Parents, enseignants ou élèves, les clés de l'actu sont pour vous. En bonus dans le soir de ce mardi 20 septembre, un poster didactique pour mieux comprendre la Terre, sa structure et ses composantes. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Bientôt à Anderlecht, préparez-vous à acheter moins cher toute l'année. Mais comment font-ils ? Découvrez-le sur electrodepot.be. Electrodepot. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Dayway Car Center, votre concessionnaire Kia du nord de Bruxelles à Meis et à Vilvoorde, vous invite à découvrir la nouvelle Kia Niro, le nouveau crossover hybride. Conditions exceptionnelles sur toute la gamme pendant les Kia Surprise Days jusqu'au 24 septembre à Meis et à Vilvoorde. Plus d'infos sur dwcc.be. DW Car Center. Ce week-end, Vivacité vous invite à la première de l'événement musical de la rentrée parisienne, Les Trois Mousquetaires, le spectacle musical. Avec Olivier Dion, Damien Sargue et David Bann. Les Trois Mousquetaires, retrouvez-les déjà ce soir dès 19h sur Vivacité. Et samedi dès 10h30 dans le TikTok, Vivacité vous offre vos places pour assister à la première du spectacle le 29 septembre au Palais des Congrès à Paris. Yes. Ready, girl? Come on, let's do this, gangsta. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux. Camaro en 2004 avec Femme Like You. 11h-13h, on n'est pas des pigeons. On se met dans l'ambiance. Allez, mettons-nous dans l'ambiance. Non mais c'est important. Voilà. Ça va rester dans la tête toute l'après-midi. Valérie Maillet est avec nous. Valérie, oui. Vous êtes partie. La rédaction vous a envoyé sur une piste assez incroyable. Vous avez suivi une expédition particulière d'une association qui se bat pour le bien-être animal. Il s'agit de quoi ? Oui, voilà. Donc, j'ai passé ma journée du samedi à suivre une association donc, qui se rendait dans un élevage industriel de poules pondeuses. Mmh. Alors, pour vous rendre compte du type d'élevage dont il s'agit, c'est 150 000 poules dans wow. une espèce de hangar qui fait des dizaines de mètres de long. Et elles sont réparties sur 8 étages. Mmh. Imaginez, elles sont à peu près à 13 poules au mètre carré. C'est énorme, comme on voit. 13 poules au mètre carré. C'est 13 poules au mètre carré, c'est le maximum légal, je pense, pour le moment, pour ce type d'élevage. Et cette association, alors, elle fait quoi alors ? L'idée de l'association, c'est d'aller sauver des poules. Mmh. Là, elle avait l'idée d'en sauver 300 parce qu'elle avait de faibles moyens, elle avait juste une petite remorque. Elle voulait aller en sauver parce que ces poules, il faut savoir qu'après un an de ponte, elles partent à l'abattoir. Même si elles n'ont pas beaucoup de viande, elles sont quand même valorisées pour en faire de la viande, des nuggets et autres poulies croques. Hein. Mm-hmm. Et cette association, ben voilà, elle veut rendre une vie correcte à ces poules. Du coup, elle est allée en sauver 300, ce qui est, faut le savoir, une goutte d'eau. Quand on sait qu'il y en a 150 000. Oui, mais elles deviennent quoi, ces poules qui échappent à l'abattoir ? Alors, ces poules, une fois qu'elles sont sorties, elles sont proposées à l'adoption pour les particuliers. Mais il faut savoir qu'elles ne deviennent pas la propriété des adoptants, puisqu'elles restent la propriété de l'association. Il n'est pas question non plus de faire une poule au pot avec ces pauvres poules. Elles doivent vivre normalement, on va dire, dans de bonnes conditions, en plein air. Elles doivent être bien nourries. D'ailleurs, l'association se réserve le droit de visiter l'endroit où vivent ces poules. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec ces pauvres poules sauvées des élevages. Et oui, mais... sans compter qu'elles sont fatiguées, les poules, d'avoir très pondu, enfin, d'avoir beaucoup pondu, c'est pas ouais, très français, ouais. Mais. Et donc, quand vous les avez chez vous, elles pondent plus, hein. Vous pouvez même pas compter oui, sur mais les mais alors, attends, mais. Oui, mais si on veut accueillir une poule et qu'on n'a qu'un appartement, c'est quand même possible. Ben non, ce n'est pas possible. Il faut leur réserver un espace au grand air, de l'herbe. Mais par contre, celui qui veut aider ces pauvres poules, il suffit tout simplement de ne plus consommer les œufs que ces poules pondent si on veut réduire ce système, réduire ce type d'élevage. Oui, ça veut dire que les pauvres poules, elles se cassent le derrière pour rien. Voilà, mais il faut en fait, ça tout le monde le sait peut-être déjà, il faut regarder les codes qu'il y a sur les œufs que l'on achète. Ouais. Les codes des œufs qui terminent par le chiffre 3, ce sont des œufs qui sont issus de poules élevées dans des batteries, donc des poules comme on a pu en observer. Et alors, voilà, malheureusement, ces œufs, généralement, ils ne se retrouvent pas dans le grand commerce, donc... On ne sait pas choisir ce type d'œufs, mais ils se retrouvent dans l'industrie alimentaire, ouais. Dans les mayonnaises, les pâtes, les pâtisseries. Donc l'association recommande d'éviter de trop consommer de produits industriels qui achètent ce type d'œufs de poules en cage. Valérie, on va terminer par ça. Est-ce qu'il y a des liens internet qui peuvent aider les gens qui nous écoutent et qui seraient intéressés par aider cette association qui sauve les poules? Celui qui voudrait adopter une poule, il peut se rendre sur le site de l'association que j'ai suivie, donc c'est stop-vivisection.be, où il y a une autre association qui porte très bien son nom, c'est lespoulesheureuses.org. Tout simplement, on en reparle ce soir à la télé à partir de 18h30. Nous sommes dans la journée fil au magasin et sauvetage de poules aujourd'hui, dans On n'est pas des pigeons. I feel my heart beating. I feel my heart.

Et de ce fait, voyant cette faute d'orthographe, je me suis dit ce n'est pas normal. Et donc, j'ai tapé l'adresse de VIP-adidas.fr sur un moteur de recherche. Et là, il y a plein de pages qui se sont affichées en disant que c'était un site frauduleux. Un site frauduleux. Ça, c'est vrai que c'est des signaux comme ça, Annie, quand il y a des fautes d'orthographe dans un mail de retour, c'est un petit peu fâché. On se doute que vous cherchiez une paire de baskets, évidemment. Oui, c'était pour ma fille. D'accord. Bon, Annie. Voilà, alors, bon, le prix de basket, parce que finalement, Franca, vous êtes douté de quelque chose, malheureusement, après avoir cliqué trop tard sur le paiement. Oui, donc, 52,99€ plus les frais de port. Et vous aviez droit à une petite ristourne de 5€ si vous transmettiez l'info via Facebook, etc. Donc, comme ça, ils peuvent récupérer pas mal d'informations. Donc, on a bien compris que tous les signaux sont en rouge. Et attention, donc, le site n'est pas fiable, n'est pas frauduleux. Quand effectivement vous mettez le site VIP Adidas dans un moteur de recherche, vous tombez sur une kyrielle de témoignages de gens qui se sont tous fait avoir. Alors, ou bien ils ont payé, ils n'ont rien reçu, ou bien ils ont payé, ils ont reçu quelque chose, mais c'est pas la bonne couleur, c'est rien du tout. Et donc, manifestement ici, c'est un site ou c'est une contrefaçon. De contrefaçon, voilà. Et donc, les informations qu'on a, par exemple, en allant sur le site Signal Arnaque, ça ne s'invente pas. C'est une banque de données, si vous voulez, qui est mise à jour par des particuliers qui recueillent comme ça tous les témoignages de gens, mais c'est bien fait, c'est un site chinois, il donne plein de détails, donc surtout si vous êtes en train d'acheter des baskets Adidas, évitez le site VIP Adidas, et évitez aussi celui qui s'appelle achatadidas.eu. J'ai envie de dire, allez sur les sites officiel des marques quand vous achetez quelque chose sur internet, c'est beaucoup plus prudent. Franca plutôt, vous avez fait bloquer la carte de crédit ou pas? La carte de crédit a été bloquée. J'ai également fait une plainte auprès de Économie SGOF. Et voilà, donc maintenant j'espère pouvoir être remboursée. Est-ce que bloquer la carte, je me tourne vers Annie, est un bon plan? Mais c'est-à-dire que oui, parce qu'on a toujours peur qu'on utilise le numéro de la carte et puis qu'on fasse des paiements. Mais il faut rappeler que les gens qui utilisent leur carte de crédit pour payer peuvent contester une transaction qu'ils ont eux-mêmes effectuée et qui n'est donc pas frauduleuse sur le site de www.macarte.be. On va vous demander toute une série d'informations, ce qui est logique, on va mener une petite enquête. Il y a beaucoup de chances d'être remboursé du montant qui aurait été décaissé. Mais si vous payez, malheureusement, soit par un virement ou bien via Western Union, dites-vous que c'est foutu, vous ne reverrez jamais la couleur de votre argent. Sauf si, en utilisant Western Union, vous connaissez la personne à qui vous adressez l'argent. Bon, alors, les trucs faciles, on a déjà parlé d'un site, mais il y avait contrefaçon.fr oui, aussi, c'est un bon plan, ça. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. Alors, hier, j'ai fait la petite expérience. J'ai noté le vipadidas.fr. Ben voilà, confiance très faible, indice de confiance 5 sur 100. C'est pas énorme. Et donc, on vous donne quand même pas mal d'informations. C'est un site très récent et ça met la puce à l'oreille aux gens de contrefaçon.fr parce qu'ils disent régulièrement que lorsque le site a un faible trafic sur Internet, ça veut dire qu'il est peu fréquenté ou récent, ça veut dire que voilà, c'est pas très sérieux. Et donc, vraiment, vous devez avoir le réflexe avant d'acheter quelque chose sur un site qu'on ne connaît pas très bien. Vous allez sur le site contrefaçon.fr, vous trouverez tout de suite des informations. Vous tapez le nom du site sur lequel vous avez envie d'acheter quelque chose et puis là, on verra si c'est fiable ou pas. On peut terminer avec des petits conseils, des astuces peut-être pour ne pas se retrouver dans le cas de Franca et d'avoir fait un achat qui s'avère effectivement un petit peu... Voilà, alors vous savez, j'ai appelé tantôt Olivier Bogart, notre policier bien-aimé qui s'y connaît. Voilà, En informatique, particulièrement dans les arnaques. Et il dit, faites attention, mois de septembre, mois d'octobre, c'est la rentrée des étudiants, des jeunes, donc on achète des fringues, des godasses, etc., des cartables, et on a une fâcheuse tendance à vouloir acheter le moins cher, et donc Adidas, voilà, ça c'est cher, donc si on voit Adidas, VIP Adidas, avec des prix un peu moins chers, voilà, il faut faire attention parce que régulièrement c'est de la contrefaçon, et pour essayer de retrouver aussi, de savoir si on est sur un site de contrefaçon ou un faux site, Olivier me disait, allez sur un moteur de recherche, vous mettez le nom du site associé au mot arnaque et directement vous aurez les réponses. Les forums sur lesquels les gens se plaignent ou en tout cas partagent leur mauvaise expérience. Exactement. Alors il faut se méfier, on ne sait pas dire autre chose. Franca, vous avez eu le réflexe, malheureusement un peu tard. après avoir payé, d'aller voir ailleurs. Mais bon, voilà. On répète, alors pour ceux qui font des achats régulièrement par internet, contrefaçon.fr pour voir la fiabilité du site, et puis si jamais il y a un problème, macarte.be. Exact. Voilà, macarte.be pour contester une transaction frauduleuse, qui n'est pas frauduleuse, mais qu'on a effectuée soi-même. C'est important, parce que la carte n'a pas été volée. Alors, on rappelle les deux sites Adidas où il ne faut surtout pas aller, que ce soit aujourd'hui ou demain, vipadidas.fr et achatadidas.eu. Donc, on privilégie les sites officiels des marques, c'est beaucoup plus sûr. Voilà, pour les conseils du jour, dans un instant après Jimmy Cliff, on va sur la page Facebook parce qu'on vous posait une question. On parle de file d'attente dans les magasins. C'est toujours celle dans laquelle on se trouve qui avance le plus lentement. Est-ce que vous avez des conseils? Est-ce que les gens donnent leur avis, Aurore? Ah ben oui, les gens donnent leur avis. On a par exemple Kevin qui nous dit « Ah, cette fameuse loi de Murphy, moi j'évite les grands-mères, les stagiaires, ainsi que les caisses qui réceptionnent les vidanges. » On lit ça dans quelques minutes. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeux pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeux Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat! Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, dis, qu'est-ce que tu fais avec ma voix? Je la rends plus spectaculaire, comme l'offre. Non, arrête ça. Ok, je coupe. Découvrez des... Non, tu l'as pas coupé. Ah non? Arrête ça immédiatement. J'ai peur. Vous voyez, ça marche? Non, ça marche pas. Mais si. Non. Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Bah oui, déchaînez-vous. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. C'est possible. Pour réécouter les meilleurs moments de l'émission, rendez-vous sur vivacité.be. Vivacité présente Éric Antoine, Magic Delirium. Magie. Le show magicomique d'Éric Antoine. Un mélange d'humour, de magie, de musique et de grande illusion. On va s'éclater! Au Cirque Royal de Bruxelles le dimanche 6 novembre à 17h. Infos et réservations, ticketmaster.be 02 218 20 15. Vivacité recherche des Tintins reporters. Si vous êtes étudiant ou jeune diplômé en journalisme, postulez sur belgodyssée.be et vous gagnerez sans doute un stage rémunéré de 6 mois dans notre rédaction. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Haut-Lieu Saint-Lambert, portes ouvertes ce dimanche de 14 à 17h dans notre bureau d'info, avenue des Îles d'Or à Haut-Lieu Saint-Lambert. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Turn on the light, make it shine bright. And listen to this. Jam it. other be best man. Now lightning strikes at 8, so you better not be late for this rubber ducking, rocking, jamming. En 1983 avec Reggae Night. Il y a quelques minutes sur cette antenne, ce soir en télé, on vous a parlé, et on vous en parlera ce soir, d'adopter une poule. Et là, j'ai un copain qui m'envoie un SMS, il dit « On peut adopter une poule ? Ouais, pour autant que nos femmes soient d'accord. » Voilà. C'est classe. Mais je ne dirais pas que c'est Jean-Claude, mon copain d'enfance. Mais voilà, je ne balance pas. Direction la page Facebook pour une question qu'on vous posait concernant les files dans les supermarchés. Oui, on vous demandait si vous avez l'impression aussi d'être toujours dans la mauvaise file et si vous avez des trucs et astuces. Alors Alfredo, il nous écrit « Vous avez oublié de prendre en compte les personnes, et il met entre parenthèses 99% des femmes, qui attendent qu'on leur donne la somme à payer pour commencer à aller dans le sac et chercher le porte-monnaie. » Vous souriez, vous vous reconnaissez, nous dit-il. Comme si on leur apprenait au dernier moment qu'ils allaient devoir payer. Ils ne peuvent pas préparer leur carte à l'avance. C'est vrai. Voilà. Oui, mais il y a des gens qui n'ont pas de carte. Il y en a encore qui préparent la monnaie et on ne se reconnaît pas dans tout ce que vous dites. Oui, mais le seul truc, c'est de dire, ça c'est vrai aussi, si vous arrivez à la caisse et que vous commencez seulement à ce moment-là à sortir votre portefeuille que vous devez chercher dans votre sac. Voilà, c'était... Là, je suis un peu d'accord avec lui aussi. Alors, Christophe nous écrit ces petits trucs. Il faut savoir se dire qu'il faut quand même patienter, que finalement, se dire qu'attendre, c'est pas un fardeau. 10 minutes d'attente dans une file, ça vous laisse 10 minutes pour les récréatifs, laissez votre imagination vous emporter 10 minutes loin de la routine. Et pour les cartésiens, profitez de ces 10 minutes pour réfléchir à ce que vous devez encore faire pour la suite et organiser votre programme. Ça y est, c'est fait, super, c'est à votre tour et vous pouvez passer au guichet. Et n'oublions pas personnel de l'entreprise ou étudiant, cela reste des êtres humains. Alors Stéphane nous écrit, c'est pour ça que chez Red Market, c'est top, il n'y a pas de file, les clients ne choisissent pas leur caisse, le client doit aller à la caisse qui l'appelle. Donc c'est le principe de la file unique dont on parlait tout à l'heure. Il nous dit que c'est super rapide et qu'en plus c'est un magasin pas cher. Et puis Berkovitch nous dit des études scientifiques ont prouvé que dans les embouteillages, on a le sentiment que ce sont les autres files qui avancent le plus vite, alors que c'est faux, on avance tous au même rythme finalement. Continuez le débat sur la page Facebook, évidemment, page Facebook sur laquelle on va aller encore lire un truc avant la fin de cette émission. C'est un coup de gueule et ce sera celui de Patrick. Viva Bruxelles et la Une présente. Chaque fois dans le métro, je me dis, essaye le vélo. Faut vraiment que j'innove sur le chemin du boulot. Auto-métro-vélo, je peux aussi marcher. Fallait franchir le pas, oser mixer, bouger. Je me suis dit Mobile Mix. Du 16 au 23 septembre, semaine de la mobilité. Et le 18 septembre, dimanche sans voiture. Be Mobile Mix, be Brussels. La ville, le stress, le bruit, stop! Au cœur du Brabant Wallon, laissez-vous séduire par la quiétude des jardins de l'Orne. Dans un écrin de verdure, appartements et maisons de standing s'offrent à vous. Profitez d'une qualité de vie exceptionnelle à 5 minutes de Louvain-la-Neuve et 12 minutes de Nivelles. Gdo.be. Les jardins de l'Orne, votre avenir, grandeur nature. Envie de découvrir votre future résidence, rendez-vous à l'Esplanade du 19 au 24 septembre et sur Gdo.be.

Des pigeons. Et comme chaque jour, on termine avec un coup de gueule. C'est Patrick qui n'est pas content aujourd'hui. Oui, il revient sur la chronique de Robert hier sur la banane. Impossible de concevoir une seule émission sans que les animateurs ne fassent des allusions sexuelles. Le jour où ça n'arrivera pas, je le mentionnerai également sur Facebook. Et je suis d'accord avec Patrick parce que vous êtes lourd là sur ce coup-là. Et c'est pas les animateurs. Mais non, je suis c'est une seule personne. Oui, c'est vrai, Robert. Aurore. C'est vrai. C'est Aurore. On s'en fout. Et Patrick, aujourd'hui, on n'a pas parlé de. Non, on n'a pas dessous dit, de la ceinture. On n'a pas dit ces mots-là. Quel mot? Aucun mot, on ne peut pas les dire. Vous ne m'aurez pas ce jeu-là. Si vous avez des réactions, c'est sur Facebook que ça se passe. Pour joindre la rédaction, il y a d'autres moyens aussi. Oui, il y a le mail pigeonpluriel@rtbf.be et puis le répondeur 072 222 660. Vous laissez un petit message explicatif. Toute l'équipe vous retrouve ce soir à la télé à partir de 18h30 et la suite, c'est La Vie du Bon Côté. Thomas, bonjour, vous parlez de quoi cet après-midi? Bah pas de cul. Désolé. Merci, hein. On avait réussi, c'est foutu. Donc on dit juste à nos auditeurs que la transition vient de se faire avec l'émission d'après. Hein. Voilà, pas, exactement. Tout en finesse, hein, comme d'habitude. On ne parlera pas de ça, mais on va plutôt parler de chance cet après-midi, puisqu'on vous présente le livre de Marc-Arthur De Waal, La chance vous boude, réagissez. Selon l'auteur, même au fond du puits, vous l'entendrez tout à l'heure, il y a toujours une solution et elle est en nous. C'est un ouvrage sur le développement personnel. Chaque point y est expliqué avec sa solution, du rêve à l'idée, à la détermination ainsi qu'à la positive attitude. Ce livre est l'histoire de l'homme et de toute sa richesse au sens large. Le discours de notre invité cet après-midi sera de nous dire que nos rêves sont possibles et que les ressources sont en nous. Jusque 15h, vous allez avoir le loisir de prendre la parole si vous pensez que vous n'avez pas été forcément gâté par la vie mais que vous avez réagi et que vous avez fait en sorte de plutôt bien vous en sortir. Venez nous dire si vous pensez que la chance n'existe pas, ou qu'avoir de la chance ne veut rien dire tout court. Avez-vous, par exemple, arrêté de croire à votre bonne étoile? De même, la chance provoque-t-elle, selon vous, en génétique, par exemple? On observe que les espèces qui survivent sont celles qui prennent des risques. Tenter le coup serait donc la seule manière de gagner. Que pensez-vous de tout cela? Le livre de Marc-Arthur De Waal s'appelle « La chance vous boude, réagissez ». Il est préfacé par Louis Michel aux éditions Fortuna Éditions. Jusque 15h, on va en parler. Vous pouvez intervenir dès maintenant si vous le souhaitez. Via la page Facebook de La Vie du Bon Côté. Vous avez également le numéro de téléphone qui vous attend jusque 15h, 070 23 33 23. Et le dernier moyen pour entrer en contact avec nous, c'est le SMS au 30 63 50 centimes. Il y a moyen de se parler cet après-midi jusque 15h, on vous attend. Et la conversation démarre comme d'habitude après la météo et les infos. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, Benji Electrabel. Bonne journée à tous. On note encore une possibilité d'averse près du littoral. Il y a des éclaircies et du soleil sur l'ouest et le centre du pays. Par contre, au sud du Sillon sans Brémeuse, d'une manière générale, le ciel reste très nuageux et le restera tout au long de cet après-midi. On pourrait même avoir quelques gouttes de bruine, mais vraiment anecdotiques, sur les reliefs de l'Ardenne. 16 à 21 degrés pour les maxima du jour. La nuit prochaine, le ciel va partiellement se dégager. Demain, on devrait retrouver un soleil plus généreux, cette fois dans toutes les régions. Le temps restera sec et on attend de 16 à 22 degrés. Jeudi, le ciel sera encore dégagé en début de journée mais va se couvrir en fin d'après-midi. On s'attend à une météo un petit peu plus variable pour vendredi avec des maxima encore de 16 à 21 degrés. Écoutez Vivacité, il est 13h. 16 ans minimum et un permis comme pour les mobylettes. À partir du 1er octobre, les règles changent pour les vélos électriques les plus puissants. Les enquêteurs cuisinaient aujourd'hui au procès de Bernard Westphal. La juge d'instruction doit aussi expliquer pourquoi elle a très rapidement inculpé d'assassinat l'ex-député. Il y a trop d'élèves dans notre école. Les professeurs de l'Athénée Jean Absila et Terbeck sont en grève depuis ce matin. On leur a imposé deux classes supplémentaires et les infrastructures n'ont pas suivi. Avoir son dossier médical à toute heure et à tout moment, le CHU de Liège et une société ont mis au point une application spéciale pour smartphones et tablettes. Votre journal, Simon Gérard. Bonjour Simon. Bonjour à toutes et tous. Pédaler sans trop se fatiguer, c'est la philosophie du vélo électrique. Mais certains modèles s'apparentent plus à une mobylette qu'à autre chose.